Bonsoir à tous, j'enregistre ce soir un épisode assez rapide dans ma voiture. Exceptionnellement, je suis allée en voiture au travail aujourd'hui. Du coup, j'ai un peu de temps là, je vais rentrer chez moi, il est assez tard, 21h. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Alors, je voulais revenir un petit peu sur mon épisode de l'Apple Watch, parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions sur Twitter. Je vous ai déjà répondu, mais je me suis dit que peut-être ça intéresserait d'autres personnes d'avoir un peu plus d'infos, les réponses. Donc plusieurs personnes m'ont parlé de l'autonomie. C'est une chose dont j'avais oublié de parler. Et l'autonomie de mon Apple Watch, c'est en général, je fais largement 2 jours avec. C'est-à-dire que 2 jours pleins, 48 heures quoi. Je pourrais pas la garder un troisième jour, je pense pas que ça suffirait, mais 48 heures sans souci. Et une autre question que quelqu'un m'a posée, c'était Guillaume Vendée, il me semble, c'était quand je la recharge, puisque je l'utilise pendant la nuit pour traquer mon sommeil. Donc il me demandait quand est-ce que je la rechargeais. Et en fait, une solution que j'ai trouvée assez bonne, c'était une solution de Matt, prof du web, si je ne me trompe pas, c'était de la recharger à petite dose. C'est-à-dire qu'au lieu de la laisser toute la nuit en charge, je la charge pendant ma douche le matin ou un petit coup le soir pendant que je regarde un film ou une série. Et je fais passer l'ambulance, voilà, c'est fait. Et ça fonctionne assez bien parce que du coup j'ai des petites je gagne quelques pourcents comme ça, c'est-à-dire que 10 minutes de charge en général sur l'Apple Watch, ça correspond à 10% de charge en plus. Donc je prends ma douche, je me prépare le matin, du coup j'ai déjà 20% en plus, donc ça me permet de garder une autonomie assez complète de cette Apple Watch. Non, ça n'abîme pas la batterie, tout simplement parce que on parle de batterie de dernière génération, donc on parle plus de batterie qu'on a besoin de décharger jusqu'à 0%, de recharger jusqu'à 100%. Les cycles de charge de l'iPhone, de l'Apple Watch sont des cycles de charge calculer, enfin c'est assez bien expliqué sur leur site, mais bon, pour revenir un petit peu dessus, c'est calculer, c'est pas si on charge, un cycle de charge n'équivaut pas à une mise en charge, mais ça équivaut vraiment à une recharge à 100%, c'est-à-dire que si je recharge mon Apple Watch 5 fois 20%, ça fera un cycle de charge et non pas 5 cycles de charge. Voilà. Sinon, j'avais sûrement des choses à vous dire. Ah oui, j'ai eu un petit souci avec mon application Runtastic ce matin. Je suis allée courir, comme je fais depuis maintenant une semaine. J'ai commencé mon activité sur l'Apple Watch, justement. Et au bout d'un moment, je voulais voir depuis combien de temps je courais. Je regarde l'Apple Watch et c'était pas parti. Heureusement, j'avais mon iPhone avec moi. C'était parti sur l'iPhone. Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Je sais pas si vous avez déjà eu ce souci. J'ai cherché un petit peu sur le net et j'ai rien trouvé. Donc, je sais pas. J'espère que ça ne se reproduira plus. Et une autre chose dont je voulais vous parler, c'était de l'application Workflow. Une application qu'on m'avait déjà conseillée, c'est une application qui permet de créer des tâches sur iOS. Donc on crée des raccourcis, par exemple un truc tout bête, je clique sur un bouton que je mets du coup dans le widget de l'iPhone, et en cliquant sur ce bouton, ça appelle directement une personne. Pas besoin d'aller dans mes contacts pour appeler cette personne. Donc c'est pour créer des raccourcis, des tâches, automatiser des tâches sur iOS. Cette application était payante, 2,99€, et ça fait pas mal de temps que je pensais la prendre parce que tout le monde m'en disait du bien. Et cette nuit, la nuit dernière, cette application a été rachetée par Apple. Ils ont racheté tout le paquet, l'application, les développeurs et tout. Et elle est passée directement gratuite sur l'App Store. J'ai testé aujourd'hui, alors j'ai pas encore super bien compris comment ça fonctionne. Enfin, il y a des trucs assez basiques, simples à faire. Mais quand on crée des tâches un petit peu plus poussées, un petit peu plus compliquées, là, il faut que j'étudie ça un peu plus longuement, on va dire. Si vous voulez la tester, profitez-en, c'est gratuit, en tout cas sur iOS. Je ne sais même pas si elle existe sur Android. Voilà, si vous êtes sur iOS, téléchargez, testez ça. C'est plutôt sympa, elle est bien faite. Et voilà. Elle avait gagné d'ailleurs un prix de design, si je ne me trompe pas. Bon, là, je vais couper cet épisode. Je suis arrivée chez moi, mais je suis en train de chercher une place de parking et j'ai l'impression que ça va pas être facile ce soir. Donc je vais me concentrer sur ma recherche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.